retournons vers le passé avec Stéphane Beau sur la naissance d'ISES. Bon, merci pour cette invitation. Ça sera pas un bon exposé, en bonne et due forme, parce que je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, mais je vais raconter d'abord l'introduction de deux choses. D'une part, ça rejoint un peu la description du corps. Enfin, mais moi, je suis d'une certaine manière issu de ce corps des professeurs de SES, parce que j'ai passé le CAPES et le REGRE de SES à une époque où, c'est intéressant, il y avait une préparation spécifique à Sciences Po à Paris, où c'était très valorisé, où il y avait des enseignants universitaires de tous les bords qui venaient enseigner, et moi je n'étais pas sociologue de formation, et j'ai le souvenir de ces cours de sociologie où j'ai découvert pour le temps grâce à Vincent Merle d'un côté et Henri Perret, qui était maître de conf à Paris 8 et qui faisait le sociologue, nous incitant à lire des textes. Et pour dire deux mots, la plupart des économistes comme moi convertis à la socio, on était tous plus ou moins, on avait lu Marx à la fin des cours, et donc on était bourdieusiens de cœur. Et donc Perret joue un travail un peu de nous déniaiser en disant il y a autre chose que mon Dieu, il y a des interactions, mais c'est intéressant. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce travail un peu au départ, c'est j'avais fait il y a quelques années à UM, on avait fait un séminaire avec Henri Danta, qui est un personnage historique de SES, qui était un professeur agrégé de économie et gestion, qui est devenu ensuite inspecteur général de SES, puis ensuite, quand la CAN et BL a été créé en 82-83, il a été promu et nommé, quand promu c'est pas le terme, parce qu'il était déjà inspecteur général, il est redescendu professeur à la base à Henri IV, dans la CAN et BL. Donc on avait fait ce séminaire avec Lantal et aussi Christian Laval, pour essayer de faire une histoire des SES, mais on était mal équipés d'une certaine manière, parce que moi je suis resté sociologue et pas assez historien. Donc on a fait dans un premier temps un séminaire, on a fait venir des gens qui ont raconté la manière dont ils sont entrés dans le métier. Donc c'est intéressant de voir, notamment c'est sur le corps, c'est très intéressant, il y a à la fois des inspecteurs qui sont venus, Madame Bergeron, la femme de Louis Bergeron qui était inspectrice, qui est venue témoigner, Jacques Le Pen témoigner, Marcel Roncaillot dont je vais reparler tout à l'heure, et puis il y a un certain nombre de professeurs de SES, dont notamment Serge Bosque et Jean-Bernard Rodriguez sont venus parler de leur expérience. Donc c'était au départ une sorte d'histoire orale, j'ai enregistré, j'en ai rien fait, c'est une erreur, mais après coup je me suis dit bon, c'est bien une histoire orale ça, mais essayons de faire un peu d'histoire sérieuse, allons voir un peu les archives, et j'ai fait comme tout historien un peu amateur, je suis noyé dans ces archives pendant 2 mois aux Archives nationales, et donc je ne vais pas vous raconter pourquoi et comment, mais je vais quand même raconter des choses à partir de ce que j'ai vu dans les archives, mais aussi à partir des travaux qui ont été effectués notamment par Elisabeth Châtel et puis Gérard Gauss, ici présent, qui ont fait, notamment dans le manuel qui va sortir, une très bonne histoire de cette discipline. Alors, dans cette introduction, on peut se poser la question, effectivement, l'énigme historique, me semble-t-il, c'est comment expliquer la naissance d'une discipline au lycée, sachant que dans les années 60, le lycée des années 60, ce n'est pas le lycée d'aujourd'hui, c'est encore un lycée très élitiste, avec un très faible pourcentage de bacheliers, comment on a créé cette section des sciences économiques et sociales, en 65-66, c'est ça, à peu près les dates, pour ensuite un bac, ensuite des professeurs, ensuite un CAPES, et in fine, en 77, je crois, une agrégation. Qu'est-ce qui explique que ça se passe justement? Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, avec Sarkozy et Pébro, etc., on a l'idée d'une discipline, on pourrait dire, de marxiste attardé, de gauchiste échevelé. Bon, c'est un peu ça l'image hein, des SES, c'est des contestataires, c'est des faits 68. Globalement, de la part de des gens comme Pébro, ou Sarkozy, qui a été un élève de B, un mauvais élève de B, puisqu'il est son bac à l'oral. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir que cette discipline des SES, elle est née bien avant 68. Elle est née en pleine période gaulliste. Elle est née sous Fouché, ministre de l'Éducation nationale. Elle est née dans la période 65-68. Donc, c'est intéressant de comprendre finalement cette discipline perçue comme progressiste, pour dire les choses comme ça un peu facilement. Hein, qu'est-ce qui fait que finalement, c'est sous De Gaulle, sous Christian Fouché, qui n'était pas quand même révolutionnaire à ce niveau-là, que cette discipline a été créée. Je trouve que c'est une énigme intéressante. La deuxième partie de l'énigme, qui est bien soulevée dans le texte de Gérard Gross et de Châtelet, c'est que Châtelet, comment expliquer que cette discipline soit née, alors même que, un, le président de la République, Charles de Gaulle, et son conseiller d'éducation, Jacques Narbonne, un philosophe, soit les archives du monde, soit très contre au départ ce enseignement-là, et de l'autre côté, du côté du Premier ministre, à l'époque Pompidou, normalien, agrégé de lettres classiques, je vous encourage à lire, ça vient de sortir en poche, une note de Pompidou avec une très belle correspondance de Cagneux de Pompidou, qui était à l'époque socialiste, vous encourage à lire ça, j'essaie de lire ça. Donc Pompidou, lui aussi, en 60, avec son conseiller, qui est son beau-frère, Domer, qui est un érigé de grammaire, lui aussi, dans les archives, on voit qu'il est très contre cet enseignement. Et juste pour l'anecdote, si j'arrive pas à retrouver la vraie archive dans mon ordinateur, mais j'ai la photo dans mon ordinateur, j'ai une très belle source, puisque quand arrive le projet en 65, en avril 65, au conseil restreint, pour décider le nom de cet enseignement, il y a Pompidou relié avec un feutre rouge le projet de décret sur l'enseignement de la création de sciences économiques et sociales. Et quand il voit arriver sciences économiques et sociales, il souligne en rouge « et social » et à côté, il met « est-ce bien utile ?» Parce que ça dit bien tout le début en fait, de cette idée-là. Finalement, qu'un enseignement de sciences économiques ait pu être créé dans les années 60 sous De Gaulle, Fouché, ça peut très bien se comprendre. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ça correspond à l'idée qu'il faut, un peu comme Pombro, mais un peu avant, il faut donner aux Français, aux jeunes troupes françaises, aux élèves français, il faut leur donner une culture économique. Donc c'est ça l'idée, il faut donner une culture économique. Donc derrière cette idée-là, il n'y a pas uniquement, il y a une partie du patronat progressiste, il y a une partie des gaullistes progressistes, il y a une partie, c'est bien dit dans le texte de Gérard et de Châtel, il y a une partie de Sciences Po, là-dessus je n'ai pas travaillé, mais il faut regarder de près les archives de Sciences Po, parce que parmi les gens qui ont contribué à la création de la discipline, il y a déjà, il vit encore Jean-Claude Casanova, il y a le président de Sciences Po, Chapsal, et donc il y a du côté de Sciences Po l'idée que c'est un enseignement qui va être une troisième voie, qui va constituer une sorte de vivier de recrutement pour Sciences Po. Donc, ce que je veux essayer de dire rapidement comme ça devant vous, c'est réfléchir à cette énigme-là. Pourquoi on a adjoint la sociologie ? Qu'est-ce qui fait qu'on a fait cette culture, cet enseignement de sciences économiques et sociales ? Alors, la réponse, je donne une forme de réponse première, c'est qu'il faudrait bien sûr suivre dans le temps cette histoire, mais au départ, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire la question historique, c'est comment un simple ministre de l'Éducation nationale, Christian Fouché, qui n'était pas un personnage central des années 60, lorsqu'on fait la réforme du lycée dans les années 64-65, comment se fait-il que ce ministre-là va emporter la mise face au Premier ministre qui est hostile et au président, surtout Jacques Narbonne, que soutient le président de Gaulle, qui est réservé par rapport à cet enseignement déjà perçu un peu comme bâtard. Et, me semble-t-il, pour répondre à cette question-là, il faut aller voir, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Éducation nationale, de Christian Fouché, etc., qui était, entre guillemets, à la manœuvre derrière ça. Et là, c'est intéressant de regarder un peu de près ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme souvent dans ces années-là, il y a bien sûr, du côté de Gaulle et du Conseil d'éducation, il y a un personnage central, j'ai oublié de reprendre les notes, mais qui est Charles Moiset, qui est un historien, dont le plus grand titre de gloire, c'est qu'il est devenu, il est sorti premier la règle d'histoire, et ensuite il a été, je ne sais pas si c'était directeur d'études, il a été à l'école des études, et il a été très vite, dans les années 60, au cabinet d'un conseiller plus ou moins officiel, informel, de Fouché. Donc, Charles Moiset. Il était aussi dans le conseil de rédaction qui n'existait pas, mais néanmoins des années. Voilà, oui, absolument. Il se réunissait jamais, il était secrétaire, je crois. Donc Charles Moiset, c'est un historien qui joue un rôle important. Parce qu'on pourrait dire qu'il est du côté du pouvoir, et puis c'est un historien des annales. Hein, donc, ce que je vais essayer de dire à travers ça, c'est qu'en fait, à travers ça, la création des SES est extrêmement paradoxale, parce que ce ne sont pas les économistes qui l'apportent, ce ne sont pas les sociologues, ce sont les historiens dits des annales. D'un côté, Charles Moiset, et de l'autre côté, bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe à Normalsup. À Normalsup, à l'époque, vous avez d'un côté un normalien philosophe peu connu, qui est passé du côté de l'administration, qui s'appelle Étienne Jean ou Étienne Knapp, K-N-A-P, qui est lui le conseiller technique du cabinet Fouché. Et c'est, qui est dans le cabinet de Fouché, et c'est lui, quand il va y avoir sa réforme du lycée, qui va demander à ses copains de Normal de l'éclairer sur qu'est-ce qu'on doit faire comme type d'enseignement. Et donc là, ses copains de Normal, c'est deux personnes clés, c'est d'un côté Guy Palma, dont j'ai parlé, et Marcel Roncalio, qui va intervenir juste après la création des SES. Et pourquoi ces gens-là sont trop? C'est surtout Guy Palma, parce que Guy Palma, c'est un maître assistant à Normalsup après avoir été caïman d'histoire, c'est aussi un premier d'année d'histoire, c'est un élève de Brodel qui n'aura jamais écrit sa thèse, qui a écrit un très beau livre en 62, qui a été longtemps cité sur les capitalistes en France au XIXe siècle, et c'est quelqu'un, c'est deux historiens, Roncalio, historien géographe, j'ai arrêté sur Roncalio, je prendrai des exemples, c'est un très bel entretien de Gilles Laferté avec Roncalio, un entretien de 50 pages qui m'a passé, qui est vraiment intéressant, où ces deux historiens sont des gens qui regrettent profondément l'enseignement qu'ils ont subi en Cannes, qui est un enseignement monodisciplinaire, cloisonné, où on ne peut pas faire dialoguer, comme ils auraient voulu, histoire et sociologie, histoire et anthropologie, voire même histoire et géographie. Donc au départ, ce projet d'enseignement des sciences économiques et sociales, ce sont des historiens économiques comme Palman, qui sont intéressés par l'idée de redonner plus d'ampleur, plus de souffle à cet enseignement-là. Ils savent que du côté d'histoire traditionnelle, c'est cuit, parce qu'il y a un tel corps, une telle puissance, une telle inertie du corps des cours d'histoire géo qui en sont encore à l'histoire bataille et l'histoire événementielle, c'est plus évidemment sur les histoires au collège, Jack Lang, ce matin sur France Inter, il refoule la chronologie, ça continue 40 ans plus tard. Donc, ils savent que du côté de l'histoire, on ne peut pas jouer, et ils voient à travers cet enseignement-là, peut-être la possibilité de faire vivre leur idéal. Et pour ce faire, j'ai, là, c'est un entretien que je me permets de citer, parce qu'il n'est pas. Il n'est pas publié, cet entretien. Donc, c'est Gilles Laferté qui est un directeur de recherche à l'INRA, que Christian connaît bien, qui a fait une très belle thèse sur l'histoire du vin en Bourgogne dans les années 30, un socio-historien, qui a longuement interviewé Roncalio parce qu'il voulait, il veut toujours faire une histoire du laboratoire de sciences sociales. Donc, il a interviewé tous les anciens, notamment Roncalio. Donc, Roncalio, c'est un normalien. Né à Marseille, je crois qu'il est né en 24. Christian Topalov le connaît très bien pour avoir fait plein de séminaires avec lui, il a beaucoup travaillé avec lui, donc il pourra corriger si je fais des erreurs. C'est un normalien de la promotion, je crois, d'Agulon, et c'est au départ quelqu'un qui a toute sa vie, il le dira dans son entretien, hésité entre l'histoire et géographie. Donc il revient à cette idée en disant, je le cite, en fait l'idée c'est de créer une troisième section, une section dite des sciences économiques et sociales. Alors non pas qu'on ne fasse pas des sciences économiques et sociales dans cette section, mais il fallait absolument une orientation. Je ne sais pas si le terme de révolution est mérité, mais c'était comme un bouleversement de la gamme classique des disciplines enseignées. Et en fait, après, il poursuit. Pourquoi je suis rentré dans cette opération? Parce que c'était un vieux rêve chez moi. Alors, chez moi, il y a le vieux rêve, d'abord, contrairement à toute évolution. J'ai tendance souvent à rebours des évolutions qui se sont faites, qui s'achèvent. Je suis rentré, moi, dans l'enseignement supérieur par l'école et par la Sorbonne. C'était le moment où on faisait de plus en plus de séparation entre l'histoire et la géographie. Donc, dans l'entretien qu'il fait avec la Ferté, il revient sur cette douleur, entre guillemets, personnelle, intellectuelle, d'avoir dû se séparer comme intellectuel, choisir entre l'histoire et la géographie. Et ensuite, il revient sur sa formation, et il revient, il y a un passage absolument superbe, où il raconte justement pourquoi il a découvert, pourquoi c'est, pour lui, il y a dissociation entre les deux. Il prend l'exemple de la ville, puisque c'était sa passion, c'était ce qu'il a fait, puisqu'il a fait un très grand livre sur la grammaire de la ville de Marseille. Seulement, si vous voulez, ça m'intéressait parce que c'était la ville. Moi, j'ai une passion pour la ville. Je ne sais pas si c'est le fait d'être né à Marseille, de me balader notamment à la gare, et avoir eu dès le départ l'impression que la ville, effectivement, c'était autre chose que le quartier où on habitait, que le petit local. C'était déjà une compréhension de quelque chose de plus global, dans certaines mesures. On pourrait détailler tout l'entretien de Roncalio, mais on voit bien qu'il a une vision comme ça, globale, des sciences sociales, qui renvoie à son regard d'enfant et certainement à ses expériences sociales de Marseillais, avec la topographie très spéciale de cette ville, et je passe sur les détails de son histoire de Cagneux, etc., avoir eu justement des enseignants qui lui ont fait découvrir l'originalité d'aller voir à côté de sa discipline. Et pourquoi j'insiste sur Roncalio? Parce que bien sûr, c'est lui qui va jouer un rôle majeur dans la discipline, puisqu'une fois que la discipline sera créée en 65, quand on crée par un décret la section B, la section sciences économiques et sociales, après, il reste à faire le travail. Et le travail, bien sûr, c'est le travail pédagogique. Et donc, Marcel Roncalio, je ne sais pas si c'est sa question, mais c'est lui qui va écrire la chose la plus importante, ce sont les instructions pédagogiques. Les instructions pédagogiques de cet enseignement qui vont être des instructions qui, pendant 30 ans, vont, peut-être encore aujourd'hui, structurer la manière d'enseigner les sciences économiques et sociales. Et lui et Palman passeront leur temps à défendre ces sciences économiques et sociales. Et dans ces instructions pédagogiques, le plus important, c'est extrêmement intéressant dans ce premier historique, c'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le contraire des topos à la bétonne ou des économies de données, c'est au contraire l'idée de dire qu'il faut partir du concret pour aller vers l'abstrait. Donc au départ, c'est l'idée absolument, il faut un enseignement propédeutique, il faut quelque chose, il faut de la modestie dans cet enseignement, il ne faut pas partir du concept, il faut au contraire donner le goût des sciences sociales, le donner le goût des sciences sociales aux élèves à travers des études de cas, des études très pratiques. Et donc, vous avez, c'est dans le texte d'Elisabeth, un texte de Montrazé, je le retrouve, un très beau texte de Montrazé en 66 sur le programme. Donc, ça va être la famille, la consommation, etc. Des choses très concrètes et qu'on va aborder justement dans ces différentes dimensions. Un autre point sur lequel je voudrais insister, si on prend l'histoire de cette discipline, c'est bien évidemment, comme les historiens ont joué un rôle majeur, on pourrait dire à la fois d'assise intellectuelle et de légitimation par rapport au cabinet de Fouché, c'était pas n'importe qui, c'était le Normanien, le régime d'histoire et de géographie qui étaient là à la manœuvre pour légitimer avec toute leur force académique cette discipline, ils vont jouer aussi un rôle majeur dans l'historicisation des programmes. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais moi, quand j'ai passé le CAPES et la Grèce, on avait, je me rappelle encore, des calls qu'on avait au CAPES, je me rappelle très bien avoir composé un sujet avec un historien très pointu, qui s'appelait Dubreuil, le Mougic de 1863 à 1906, à 1905. On avait des sujets comme ça en histoire économique et sociale au CAPES. Donc, même pour nous, quoi, c'était pour moi très formateur. À la Grèce, j'ai passé toute une année à étudier l'histoire économique et sociale de l'Italie et de l'Espagne, avec des très beaux textes de Pierre Villard. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et on est revenu là-dessus, très largement. On a quand même beaucoup à régresser à ce niveau-là, puisque progressivement, c'est devenu économie et sociologie. Mais dans l'histoire de la discipline, l'histoire économique et sociale, elle est centrale. C'était obligatoire quasiment d'avoir un enseignement pour passer le CAPES. On avait un enseignement d'histoire économique et sociale. La science politique est apparue après, mais il fallait être économiste, historien et sociologue. Et c'est ça qui me semble particulièrement intéressant. Alors, un autre point sur lequel je voudrais revenir, dernier point dans cette histoire, c'est bien sûr la question très importante quand on a fait ce travail dans ce séminaire d'histoire orale. Lanta, Henri Lanta et Suzanne, je crois que c'est Suzanne Bergeron, c'est quoi, non ? Suzanne Bergeron. Huguet. Et Bergeron ont raconté, bien sûr, les grands moments. C'était ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est qu'il a fallu, on a créé une section. On a créé un enseignement de seconde, puis première, puis terminale. On a créé un programme, on a créé des instructions pédagogiques. Et après, mais qui va faire ce coup? Qui va enseigner? Il n'y avait pas les troupes. Et donc, là, l'histoire qui est passionnante, c'est que qui est-ce qu'on allait chercher? Ben, des historiens progressistes frustrés d'enseigner un peu bêtement l'histoire, qui ont vu cet enseignement-là comme une opportunité, justement, curiosité intellectuelle pour venir enseigner leur conception d'une certaine manière globale de l'histoire à travers cette discipline. Et de l'autre côté, des enseignants dits de technique économique, d'économie et de gestion, comme Henri Lantal, qui était passé par l'INSEP de l'agrégation de gestion, qui sont venus enseigner là pour sortir à la fois parfois de l'université technique, mais aussi pour ouvrir leurs horizons intellectuels. Et donc au départ, c'est ça. Donc ces enseignants-là n'ont pas de formation au départ en sociologie pour la plupart, ou même parfois en économie. Donc, il va se passer, ils vont mettre en place pendant quelques années ces fameux stages de Sèvres, qui vont être des stages extrêmement importants. Tous les gens qui les ont connus en parlent à la manœuvre, mais pas loin. C'est des moments historiques, quoi, des moments où il y a à la fois un corps qui se constitue, avec, me semble-t-il, je ne sais pas si vous comprenez, Gérard, vous avez peut-être connu, avec bien sûr un moment de. Voilà, on a l'impression de créer une discipline neuve, originale, etc. Et donc, dans ces stages de Sèvres, c'est Roncaiolo et Palmade qui sont à la manœuvre et qui invitent justement, ils vont inviter Chambandon à faire des cours en économie, en sociologie, ils vont inviter Libanais, ils mobilisent tout leur réseau normalien pour enseigner. Et pour enseigner les SES à la fois dans l'esprit des SES, l'esprit d'unité des sciences sociales, etc., du global, du concret vers l'abstrait, mais aussi termes pédagogiques, on est avant et après 68, voilà, on transforme la manière de faire cours. Puisque c'est, dans l'histoire de la discipline, c'est très souvent dans les cours de SES qu'on va, par exemple, introduire cette innovation extrêmement importante qui était des enseignements avec, comme ça, en carré, hein, ou en petit groupe, où on rompait avec le savoir vertical, avec le prof qui parle, avec les élèves qui sont en rendez-vous pour suivre. On a commencé au début des années 70 à introduire cette architecture. Donc, Huguette Bergeron racontait que, de temps en temps, les proviseurs voyaient ça, ils étaient absolument horrifiés. Donc, il y avait des grandes batailles autour de l'aménagement des classes des SES, parce que les SES étaient des sortes de trublions pédagogiques qui arrivaient avec ces méthodes-là, l'organisation en carré, et puis surtout, la culture du débat, du débat intellectuel à partir de textes, etc., etc. Donc, là aussi, en termes d'innovation pédagogique, il y a eu cet enseignement des sciences économiques et sociales qui était très important. Avant dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est aussi, bien sûr, là aussi, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent, il y aurait une thèse non seulement à faire sur les profs de SES, mais il y aurait une thèse à faire sur la diffusion de cet enseignement dans les lycées. Il faut savoir qu'au départ, tous les lycées n'ont pas eu leur section B, leur section sciences économiques. Il y a eu beaucoup de lycées qui ont résisté très longtemps à cette section qui était vue effectivement comme roturière entre la section d'hommes. Bon, dans ces années-là, c'est des années de basculement. On passe de la section latin, grec, philo à la section C, qui est créée pour la réforme Fouché 65. Mais dans ces années-là, les deux sections les plus nobles, c'est bien sûr la section C, maths physique, et encore la section philo, qui a encore des belles lettres de noblesse. Et donc la section B apparaît effectivement comme assez roturière. Donc, il y a eu aussi un tas de batailles qui auraient dû être menées dans les rectorats, que des recteurs ont menées contre ou pour l'enseignement des SES. Je vous donne juste une anecdote. Quand j'ai démarré ma carrière, c'était au lycée Carnot de Dijon, que certains connaissent ici. C'était en 83-84. Moi, j'étais professeur stagiaire de sciences économiques et sociales. Il n'y avait pas de section B, il n'y avait pas de première B, il n'y avait pas de terminale B. Le lycée Carnot de Dijon, c'est un lycée de classe prépa, maths sup, maths spé et hypocalcale et HEC. C'est le grand lycée de Bourgogne. Le professeur, pendant 25 ans, 30 ans de Cannes, c'était le maire UDR Robert Poujade, normalien agrégé de lettres. Et donc, dans cet enseignement, il y avait une classe des profs agrégés, une classe des profs certifiés, c'était en 83, c'était pas si vieux que ça, c'était encore une division très forte, la section B n'existait pas. Il y avait, pour faire B, il fallait aller s'expatrier dans des deux lycées en périphérie de Dijon, mais au centre-ville de Dijon. Et quand je m'étais interrogé sur cette question-là, ben, on m'avait dit, le proviseur n'en veut pas, et après, ça m'avait mis la piste à l'oreille, j'avais regardé un peu ici à droite ou à gauche, ben, vous avez, pendant très longtemps, les plus grands lycées parisiens n'ont pas eu de section B. Donc là aussi, il faut voir que, si on veut réfléchir sur la section, il faut aussi bien voir que, là, si on est encore dans les rapports de force, qui va pouvoir imposer cette section, comment ça s'est passé, etc. Et je finirai, c'est pas trop long, mais sur, effectivement, un peu avant cette question-là, sur l'histoire du corps des enseignants de sciences économiques et sociales. Je pense qu'effectivement, il faut bien voir que tous les enseignants pourront le dire, les années après 68 sont des années bénies pour, d'une certaine manière, me semble-t-il, pour la série B, parce qu'on a à la fois des élèves qui vont choisir positivement cet enseignement, parce que c'est les effets de 68, on peut débattre politiquement, et parce qu'effectivement, pas tous, mais une bonne partie des professeurs de SES qui sont sociologues de formation, économistes de formation, etc., même professeurs SPO, choisissent cet enseignement de manière quasiment militante. Vous avez des tas de gens qui auraient pu passer l'ENA, qui auraient pu faire, je ne sais quoi, d'autres concours de la magistrature, qui choisissaient d'enseigner dans ces disciplines-là de manière militante. Et comme par hasard, effectivement, la plupart d'entre eux vont être aussi des militants actifs au sein de l'APSES, et ils vont jouer un rôle effectivement très important dans la structuration des valeurs dont on va parler. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, c'est une hypothèse que je fais, parce que j'ai fait plusieurs années, je faisais des cours à Nantes, je fais des cours de formation continue, etc. Il y a 2 mois, je suis allé à Dijon faire un cours de formation continue aux professeurs de SES. Bon, il y a quand même, sans vouloir trop désespérer ceux qui restent de Billancourt, en tous les cas, il me semble qu'il y avait quand même dans les nouvelles générations de professeurs de SES, on ne peut pas ne pas insister sur le fait que ceux qui ont fait de l'économie micro 1, micro 2, micro 3, micro 4 peut-être, toute leur vie à la fac, sans avoir lu Weber, je ne parle pas de Baudus, je ne parle même pas de Marx, ils en ont quand même un coup dans la cervelle. Donc il leur faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage intellectuel pour sortir de ce formatage, de cette formation très... Donc il me semble qu'une partie des enseignants de sciences économiques et sociales, ils ne sont pas d'emblée ravis d'enseigner la sociologie, une partie... Donc, là, je pense qu'ils pourraient travailler sur la division du corps, à mon avis, qui est quand même assez affirmé. Et bien sûr, l'opposition entre l'axe historique, l'abscesse, et de l'autre côté, l'axe bétonne, renvoie aussi à mon avis, cette idée-là que, pour ma génération, j'ai en tête, puisqu'on est resté assez copains, pas mal de gens qui ont passé le CAPES à Sciences Po avec moi, on était tous complètement unis, syndicalement, politiquement, on était tous, on pourrait dire, la queue de la commune de 68, donc pour nous, c'était évident que faire la sociologie, c'était lire Marx, c'était lire Weber, c'était dire bon Dieu, et encore bon Dieu. Alors, je pourrais finir juste sur une anecdote. Sur une anecdote, parce que justement, comme j'ai eu j'étais 7 ans enseignant dans la SUP, succédant à Bollo, quand la gauche arrive au pouvoir, avec Christian Bollo, on s'est dit, en plus j'avais été sollicité pour partir d'une sorte de comité, présider un comité de la haute réussite ou de la grande réussite, je ne sais plus quoi, du ministère, donc j'ai rencontré la secrétaire d'État, Mme Langevin, pour lui dire non, mais j'avais discuté avec elle, et j'avais profité de cette visite en direct, en face à face, avec le ministre délégué, pour lui remettre en main propre une lettre pour le ministre Vincent Pellet, signée de Christian Baudelot et moi-même, avec ce titre, professeur émérite pour Baudelot, professeur de sociologie à Normale-Sup, pour supposer que c'est un titre qui peut être considéré comme recevable par le ministre. Et en fait, on a écrit une longue lettre de 2 pages en lui demandant un rendez-vous. On n'a eu aucune lettre. Total de la part de Vincent Pellet, qui a réagi sur le film, il est parfait, mais il y a, voilà, c'est intéressant de voir, du côté de la gauche, il y a un ministre de l'éducation nationale, parce qu'on voulait lui parler de ça, on voulait lui parler justement du recul de cette discipline, des attaques qu'elle avait connues. On avait fait un argumentaire en disant, bon, quand même, en tant que sociologue, on peut considérer que c'est un enseignement qui mérite d'être défendu, non pas de manière idéologique, mais de manière de formation critique, etc. Bon, voilà, un certain nombre de choses comme ça. Même pas une réponse. Je me suis permis, 3 mois plus tard, d'écrire une lettre à un de ses conseillers, un normalien, régé de sciences sociales, dans un cachet en là aussi, écrire un mail, etc. Aucune réponse. Et donc là, c'est aussi, ça quand même, je dis pas que c'est marqué, j'ai été complètement meurtri, etc. Mais je trouve que c'est symptomatique, en tous les cas, de la manière dont, en haut lieu, dans ce type de gouvernement dit de gauche, ce genre de choses qui me semblent importantes quand même, intellectuellement, apparaissent complètement sans intérêt. Merci Stéphane. Regrettons Fouché et De Gaulle. Regrettons De Gaulle. Au cas où vous manquiez d'une épopée pour fonder votre combat, ce soir elle a été mise à votre disposition. J'espère que vous en ferez bon usage et la discussion commence. Juste une question, t'as pas trop parlé de la socialisation politique de Roncaiolo, Palmade, etc. Tu as pas trop parlé même de leur trajectoire sociale d'ailleurs, en fait. De leur trajectoire disciplinaire, oui, et scolaire, mais universitaire, mais pas tellement de, tu vois. Palmade, on sait très peu. Palmade et Roncaiolo étaient, entre guillemets, des amis, vraiment, extrêmement amis. Palmade est mort jeune, en 1793, un peu plus de 65 ans, il a été inspecteur à Sédine, donc je vais parler. Palmade est devenu inspecteur général, donc c'est lui qui a tenu la discipline pendant des années. Donc quand tant qu'il y avait Palmade qui avait créé la discipline, tant qu'il était là, il avait une énorme aura, donc il y a ses archives qui sont déposées aux archives nationales. Il jouait là, il tenait le côté national, l'esprit de la discipline était tenu par Palmade. Ensuite, il a été transféré en partie par Lantal. Lantal m'a raconté que justement, avec tous les remords qu'il a pu avoir, d'avoir quitté l'inspection générale pour aller en CAN, en BN, en R4, il se demande encore aujourd'hui si ça n'a pas été une erreur institutionnelle grave, puisqu'il a contribué à l'affaiblir structurellement, puisque d'autres ont été nommés et qui n'ont pas joué ce rôle-là. Donc, Roncaiolo a toujours dit justement que par rapport à l'hégémonie des normaliens communistes des années 50, il s'est toujours dit extrêmement fier de oser se déclarer social-démocrate, et je crois même qu'il était non-désiste. Et pas de mal, je sais pas. Pas de mal était plutôt gaulliste de gauche. C'est plutôt dans ce registre. Peut-être un témoignage un peu personnel sur Roncaiolo. C'est à la fois une figure intellectuelle telle que tu l'as décrite qui construit sa carrière sur l'unité des sciences sociales, sous la figure de la géographie et de l'histoire. Et c'était aussi simultanément le prototype du mandarin. C'est-à-dire que c'est tout à fait spectaculaire de voir à quel point il représentait l'université traditionnelle, c'est-à-dire la socialisation primaire au sein des Cagnes et de l'UNES ensuite. C'était son monde. Et arrivé, il était directeur adjoint de l'UNES, parce que quand on vient des lettres, on ne peut pas être directeur tout court. Il est arrivé au sommet de ce à quoi il pouvait aspirer, c'est-à-dire être le premier militaire pares du monde qu'il a connu depuis toujours. Et sur une modalité incroyablement traditionnelle. Donc il y a tous ces paradoxes que je trouve intéressants, de voir que des gens qui, sur le plan de la culture institutionnelle, peuvent être plutôt du côté de l'université qui nous surprend aujourd'hui et qui en même temps, sur le fond, dans la conjoncture que tu as décrite, joue un rôle spectaculaire de construction d'une innovation positive. Voilà. Des questions? Juste pour qu'on revienne au premier, Roncaiolo aussi, quand il est directeur de l'école normale entre 1977 et 1981, il joue un rôle majeur, directeur d'école de théâtre, parce que c'est lui qui va réussir à imposer au ministère, avec l'appui de Touraine, j'ai retrouvé l'archive de Touraine appuyant beaucoup le concours BL, qui est le concours Cagnes Lettres Sciences Sociales, parce que l'école normale supérieure voyait très bien que le vivier de recrutement des littéraires était en train de s'affaiblir, et donc il voyait qu'il y avait un tas de faux littéraires qui étaient dans la section C, qu'il y avait un marché, entre guillemets, en tout cas quelque chose à prendre à ce niveau-là. Donc on a créé cette Cagnes BL, qui joue un rôle aujourd'hui majeur pour les sciences sociales, elle a été créée en 82-83, et c'est Roncaillolo qui va aller en haut des pôles normales, justement, réagir, activer ses réseaux pour obtenir, quand la gauche arrive au pouvoir, la création de cette CNBL, qui est bien sûr historiquement très importante, surtout qu'elle était bien sûr extrêmement combattue par les défenseurs de la CNBL littéraire, les professeurs de latin, de grec et de philosophie. Donc là aussi, il a continué à jouer ce jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire, en fait, ce n'était pas qu'un. Hein, c'est pas été passager cet engagement, il a jusqu'au bout milité pour ça. Il vit toujours. Est-ce que l'absence justement d'agrégation à la SES pendant longtemps, ça n'a pas aussi participé à cette culture militante et voilà, est-ce que c'était, ça faisait partie, là je passe au contrôle de Gérard, c'était un grand combat. Les enseignants de SES justement se faisaient voir et c'était tout à leur honneur. Après 68, ils disent nous on est vraiment des enseignants radicaux et donc on refuse cette fausse partition entre certifié agrégé, donc on refuse l'agrégation. Et même quand l'agrégé a été créé, un certain nombre d'entre eux ont refusé, les premières années en tous les cas, de passer l'agré parce que c'était, non pas vendre son âme au diable, mais pas loin. Voilà. Donc il y a eu ça, effectivement. Il y a eu ça qui a fait corps. Voilà. Oui, lors des fameuses tâches de fièvre, Stéphane, régulièrement à la fin de chacun de ces stages, étaient les stagiaires, en fait, une bonne partie des profs, parce qu'on était très peu nombreux à l'époque, votaient la même motion proclamant la nécessité d'un corps unique et le refus absolu de. Ce qui n'a pas empêché un grand nombre d'entre eux de la passer dès qu'elle a été créée, mais bon. Ça faisait partie des rituels de fin de stage assez. C'était peut-être des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, des compléments, des ajouts. Sur les premiers professeurs de SES, tu as raison, le gros des troupes venait soit d'anciens professeurs d'histoire géographie, soit d'anciens professeurs de, on dirait aujourd'hui, d'économie gestion. Mais il y a eu aussi un recrutement très. D'abord, beaucoup d'auxiliaires. Hein, avant que le premier CAPES, il y a eu un premier CAPES exceptionnel en 69. Puis après un autre en 70, en 69, mais à une date baroque, je crois, au milieu de l'année, enfin, hein. Puis après 70-71. Mais au début, c'était essentiellement des auxiliaires, hein, et qui pouvaient avoir des formations initiales extrêmement diverses. Beaucoup, le gros, c'était histoire géo, ou des profs d'histoire géo qui se reconvertissaient, des profs d'économie gestion qui se reconvertissaient, mais les nouveaux qui étaient recrutés assez en masse comme auxiliaires pouvaient avoir fait de l'économie, la sociologie, mais aussi des lettres, du droit, de la psycho. Enfin, c'était extrêmement. Et c'est aussi la particularité, c'est que ces gens-là qui avaient des formations très diverses, souvent très, très inégales, ont été amenés un peu par la force des choses à inventer, alors non pas les programmes, mais à inventer des manières de faire. Et dans une large mesure, la mise en œuvre de ces méthodes, qu'on appelle actives pour faire simple, a aussi résulté de la nouveauté de la discipline, mais aussi de la situation dans laquelle se trouvaient un certain nombre de professeurs qui n'avaient pas forcément toutes les ressources à leur disposition de néanmoins créer un enseignement et d'inventer quelque chose. Je pense qu'il faudrait creuser ça un petit peu, mais je pense qu'il y a l'extrême diversité. Et c'est peut-être ça qui a donné une unité qui n'existait pas par ailleurs, notamment en termes de formation. Je voulais dire juste une petite chose par rapport au moment des batailles entre disciplines. Quand on crée des sections comme ça, bien sûr, il y a eu bien sûr la principale discipline qui s'est élevée contre la création de l'SES, ce sont les philosophes, notamment dans le journaliste de la commission d'études. Il y avait une inspectrice générale qui s'appelait Madame Dreyfus, qui était philosophe, et donc elle a joué un rôle, et les autres, l'association des profs de philosophie, se sont vraiment puissamment élevés contre cette discipline qui n'était pas utile, etc. Et j'ai retrouvé un texte, je ne sais pas si c'est dans le Monde, dans le Figaro, il y a un texte de Haron qui est intéressant là-dessus. À un moment donné, il y a une réflexion de Haron sur les changements au lycée, C'est dans le Figaro, et donc il dit, un bon philosophe, que même si les sociologues à l'époque étaient à la Sorbonne, qu'on n'a pas besoin de sociologie au lycée, c'est trop tôt, les esprits ne sont pas assez mûrs, il faut mieux se former par la philosophie, et ensuite ils font des choses spécialisées. Aron, j'avais justement regardé les archives Brodel, etc., les archives Bourdieu, les archives Aron, j'avais eu l'occasion de regarder les archives Aron, je voulais savoir ce que pensait Bourdieu, et je pense que Bourdieu à l'époque, il ne doit pas être loin de cette situation-là. Je ne sais pas, je n'ai pas encore j'ai pas lu la preuve, mais je pense qu'il ne doit pas être loin de cette idée-là que. En 65-66, quand on crée la. Non, je crois qu'il a, sans y avoir participé activement, et il n'y a jamais eu d'opposition de sa part, au contraire. Mm. Par contre, le philosophe, oui, il y a eu même eu, je ne sais plus en quelle date, 64, 65, une pétition signée par plein d'éminents philosophes, le 30e, etc., s'élevant contre la création de certains éléments de sciences économiques et sociales, pour les raisons que tu as dites, et puis probablement aussi pour l'idée que. Par exemple, tout ce qui pouvait être sociologie, c'était en fait, ce n'était jamais qu'une sous-branche, de la philosophie, donc il ne s'agissait pas d'aller dévoyer ça avec l'économie. Juste une petite question, c'était sur, est-ce que vous avez des. Parce que je ne savais pas du tout que l'un des fondateurs de SES en France venait de l'éco-gestion. Et justement, c'est pas un fondateur, c'est un nom important, c'est la mise en œuvre. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a tout un conflit, une polémique sur le rapprochement. Enfin, on sent qu'on a envie de fusionner de plus en plus ces deux matières, qui sont la FEG, le fondamental des cogestions et la SES. Mais ça, dans les archives, il y avait justement des positionnements. Très tôt, j'ai vu, j'ai fait un entretien avec la responsable du SES, et puis j'ai vu les archives de l'équivalent de l'US à l'époque, où l'association des professeurs de sciences et techniques économiques était très. L'US, notamment, que le SES, est à l'époque très réservé par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il y a l'idée que finalement, il y avait déjà l'enseignement d'économie en lycée technique, et finalement, on crée une distinction entre la section noble économique qui est en lycée général et la section ignoble qui reste, et objectivement c'est ce qui va se passer, puisque ça va venir ensuite la section G, etc. Donc globalement, j'ai vu des entretiens des responsables syndicaux de ces disciplines, ils étaient contre. Mais ce qui me paraît frappant dans la description que tu nous fais, Stéphane, c'est le silence sidéral des économistes universitaires. Est-ce qu'ils avaient tout simplement sous-estimé l'importance de ce qui se passait? Est-ce que, à propos, en 65, à la faculté de droit et de sciences économiques, on a une économie extrêmement littéraire. Le premier économiste de France, qui était Raymond Barre, dont j'ai suivi jadis les cours, racontait. Des choses qui aujourd'hui paraissent absolument invraisemblables. Non, ils sont pas. Il y a pas. En gros, l'économétrie est extrêmement minoritaire. Elle est utilisée dans des endroits assez marginaux et paradoxalement des endroits ouverts à la sociologie. Je pense à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai vu dans mon sujet, les économistes ne sont pas absents. Il y a dans la commission, dans les gens qui vont dire leurs mots, il y a d'un côté à Sciences Po Casanova, et puis il y a Barère à Paris 1. Deux, trois profs de Paris 1, à l'époque c'est pas Paris 1, c'est la Sorbonne, il n'y a pas de différenciation, qui vont pas être contre. Il y a Babot qui sera contre, je crois, André Babot, mais. Oui, Babot, à l'époque, beaucoup de, soit de groupes, soit d'individus, proposent des programmes. Et par exemple, André Babot, qui est un grand spécialiste de l'épargne, la partition de revenus et de l'épargne, a proposé lui un programme mais qui était économie, quoi, et qui a été balayé rapidement. Tous les économistes ne sont pas désintéressés, il y a eu des propositions, souvent pour prôner plutôt un recentrage sur l'économie, mais disons, par un jeu d'influence, c'est plutôt quand même ce courant de l'économie politique, voire des sciences sociales ouvertes qui a prédominé. Donc c'était juste pour dire que durant cette période-là, effectivement, il y a d'abord l'économie et encore un peu sous la coupe du droit, enfin, en tout cas avant 68, il ne faut quand même jamais oublier ça dans les universités. Les luttes internes sont très très fortes. C'est la période de la création des séminaires, des premiers séminaires de recherche, il y en a un qui est le très fameux, qui est le séminaire Aftalion, qui va être un peu la matrice de séminaires, de laboratoires, etc., et que les bagarres internes sont très fortes. Et donc effectivement, je pense que les enjeux de l'enseignement secondaire, à ce moment-là, ne sont pas perçus comme très fondamentaux. On n'est pas non plus dans la même situation en termes de massification, etc. Enfin, ils se réveillent progressivement et vont intervenir assez fortement contre les SES, plus tard, dans les années 70, début 80, voilà, avec au moment de lorsque Barre est Premier ministre, justement, avec des vives attaques contre les SES. L'attaque peut être politique, parce que c'est des mouvements scientifiques, parce que c'est une économie qui, quand même, qu'elle soit de droite ou pas, dans les facultés de droit, est une économie qui s'intéresse aux institutions. C'est tout à fait frappant. Oui, bon, en d'autres termes, le virage formalisateur se prend, je pense, beaucoup plus tard. Il commence à ce moment-là avec Henri Guiton. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de luttes internes et apparaissent déjà ceux qui vont devenir ensuite les, entre guillemets, normalisateurs de la discipline dans les universités. Qui sont plutôt à ce moment-là des étudiants, mais qui vont émerger très vite dans les années 70. Quoi. Donc c'est rapide. Hein, le tournant se fait à cette période-là, quand même, il ne faut pas oublier. Donc tu vas un petit peu revenir bien tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions, Stéphane Beau, Michel? Apparemment, d'un exposé à l'autre, il semblerait que l'influence, revient sur les deux, que les influences extérieures à la discipline et bien sûr un univers qui est ministériel, gouvernemental, n'apparaissent pas dans la période dont vous traitez. Il y a peut-être un effet de source, parce qu'effectivement, pour l'instant, les sources, c'est ce qui se passe dans les commissions, le ministère de l'Éducation, etc. Je ne suis pas allé voir du côté à l'époque, parce que bien sûr, les partenaires sociaux ont été consultés en partie, donc, du côté du syndicat, du côté du patronat, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. On a plutôt l'impression, la thèse qui prévaut, c'est de dire quand même qu'à l'époque, il y a quand même une très forte autonomie. Je prends juste cet exemple que je trouve intéressant, ça intéressera Christian parce qu'il a travaillé sur des sujets assez proches. Si on regarde la commission d'études des programmes d'enseignement secondaire, c'est pas n'importe quoi. C'est cette commission qui va travailler pendant 4 mois, se réunissant tous les 15 jours, avec justement CNAP à la baguette, et puis surtout il y a déjà René Abbey et un autre instructeur. Quand on regarde cette composition, il y a une quinzaine de personnes, il y a presque que des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. À l'époque, on ne dit pas l'éducation nationale, c'est l'éducation générale de l'instruction publique. Donc c'est vraiment le ministère qui a la main. Il n'y a pas du tout de société civile. Le seul apparition, donc il n'y a aucun prof de sociaux, d'éco, etc. Le seul professeur de faculté qui est là, c'est un anonyme, M. Savard, qui est professeur à la faculté des sciences de Lille. C'est le seul professeur universitaire qui est dans cette commission. Le reste, ce ne sont que des gens. Donc là aussi, c'est intéressant de voir, on a discuté avec Antoine Pro à l'époque, sous De Gaulle, le ministère de l'Éducation nationale, c'était vertébré, quoi. C'était vraiment eux qui tenaient le. Et c'est, d'après les travaux d'archives, c'est l'inspecteur Allard qui a joué un rôle important. Abbey a joué un rôle important aussi pour défendre les SES. Mais voilà, le patronat ou le reste, c'est des directeurs de lycée, il y a Jean-Claude Sailly, il y a la directrice du lycée Fénelon, à l'époque. C'est pas encore mix, je crois. Et il y a bien sûr un conseiller à la Cour des comptes, mais le reste, ce ne sont que des inspecteurs généraux de l'instruction publique. Hein, ce sont eux qui font la réforme de ce enseignement. Ce qui peut peut-être permettre de mieux comprendre le rôle tout à fait étrange de l'ENS. Oui. Parce qu'après tout, c'est la même famille. Oui, absolument. Ça reste, on ne peut pas dire ça. Si, je crois. Et d'où le rôle, effectivement, de CNAP. Malheureusement, on n'a pas ses archives, mais CNAP, c'est lui qui va chercher Palman et Roncaillolo, c'est lui qui va chercher des idées, c'est lui qui va les faire travailler, entre guillemets. Je pense que c'est, bien sûr, très important. C'est en plus Fouché, rapidement, apparaît comme quelqu'un qui va défendre cet enseignement. Ça, j'ai pas assez creusé la biographie de Fouché pour savoir pourquoi, mais on peut supposer que CNAP joue un rôle très important de conseil. Parce que quand on regarde les notes de Narbonne à De Gaulle, hein, c'est des notes qui ne cessent de mettre en garde contre cette spécialisation précoce, contre cet enseignement. Voilà, quand même, il y a des lettres directes de Jacques Narbonne au président de la République en disant attention à cette réforme du lycée. Donc c'est pourtant Fouché qui va en porter. Je crois, mais il faudra vérifier, que Fouché était en relation, voire ami avec Morazé. Oui, oui. Là, parce que j'ai lu le bouquin de Morazé, il a fait ses mémoires, il a dit, ils sont très proches. Parce que là, il y a une connexion très forte.